me trotte dans ma tête et je n'arrête pas de penser à ça. Mes erreurs, mes regrets, oui je n'arrête pas de penser à ça. Le bonheur, mes secrets, oui je n'arrête pas de penser à ça. À l'intérieur, ouais de moi-même, toutes ces choses là font que c'est un vrai massacre. Ça me trotte dans ma tête et je n'arrête pas de penser à ça. Mes erreurs, mes regrets, oui je n'arrête pas de penser à ça. Le bonheur, mes secrets, oui je n'arrête pas de penser à ça. À l'intérieur, ouais de moi-même, c'est un vrai massacre. J'arrête pas d'y penser, j'endors pas la nuit. J'suis mort de fatigue, les remords de ma vie. Ouais, j'me suis dit que je le ferais. Arrêter la cig, faire un taf qui motive, puis arrêter la weed. Et puis le fond de ma pensée n'est pas toujours dans mes rimes. J'suis sur écoute, ouais, comme string. Faut faire attention à ce que j'dis. Le cogitons, ouais, tu sais, sur tout ce qu'on écrit. Choque les grands, les petits, ouais, c'est flow le colérique. Et j'arrête pas de penser à pétrole le biscuit. Des vacances au tropique, faire de l'argent, ouais, sans vice. Et tu sais bien ce que j'aimerais. Des connaissances génies, faire du pif dans la zik, et puis des rentes sans limite. T'es ce qui est en train de me ronger, mes démons, tous mes vices. Très sombre est l'avenir, tous mes comptes sont vides. Et quand je pense au passé, je vois ce garçon tout clean qui songe à réussir et qui pense pas à la suite. Yo, ça me trotte dans ma tête et je n'arrête pas de penser à ça. Mes erreurs, mes regrets, oui, je n'arrête pas de penser à ça. Le bonheur, mes secrets, oui je n'arrête pas de penser à ça. À l'intérieur, ouais de moi-même, toutes ces choses là font que c'est un vrai massacre. Ça me prend dans mes rêves, ouais je pense à As. Dans ce cas je suis nostalgique, dans ma life trop de fatigue. Je constate je suis trop statique, je commade, je fume trop de huile. Et puis j'entends des mots dans ma tête comme Jeanne d'Arc qui arrête pas de me dire, mais vas-y trouve un taf. Et puis une autre me dit, là que je trouverai app. Alors je reste dans mon lit comme un gros flemmard. Et crois pas que cette routine ne me fait pas très mal. On me dit bouge ton cul, va poster des CV. C'est pas trop mon truc, je veux presser des CD. Et ouais je suis quasi sûr que ça va pas marcher. Même s'il y a deux issues, jamais je les lâcherai. Tu croyais quoi? Je parle de mes cousins, mes frangins. Je pense à ça, faire du flouze, mais combien? Je pense à toutes sortes de choses qui me hantent la night. Hélas, la vie n'est pas rose, souvent ça lasse. Ça me trotte dans ma tête et je n'arrête pas de penser à ça. Mes erreurs, mes regrets, oui, je n'arrête pas de penser à ça. Le bonheur, mes secrets, oui, je n'arrête pas de penser à ça. À l'intérieur, ouais, de moi-même, toutes ces choses là font. Partagé entre la stabilité et la passion. Ouais c'est à ça qu'elle pense. Savoir cogiter avec sérénité sur une décision. Mais peur des conséquences. Tous les jours je pense à As, tu penses à ça, ouais. Tous les jours devant ma glace quand je suis en pâte, ouais. Et ouais un coup plus le temps passe et je pense au cash, ouais. Car ça tourne comme ça dans ce système de barge. Ouais j'y pense même dans mes rêves je change, ouais. En effet je m'emmerde, ouais c'est vrai je manque d'air. Ouais c'est clair j'y pense sous la douche. Puis quand je fume ma gousse, quand j'ai un coup de blues. Bref j'y pense sec tous les jours. Ça me trotte dans ma tête et je n'arrête pas de penser à ça. Mes erreurs, mes regrets, oui je n'arrête pas de penser à ça. Le bonheur, mes secrets, oui je n'arrête pas de penser à ça. À l'intérieur, ouais de moi-même, toutes ces choses là font que c'est un vrai massacre.